Let's go. Are we ready? C'est le dimanche soir et c'est Rise Supreme avec DJ Case qui est là en pleine forme. Eh ouais, toujours. Prêt à repartir pour une nouvelle soirée ? Ah oui, super dimanche la semaine dernière. Ouais. Et bon, on remet ça. On remet ça et ce soir, je suis au Gotham juste après la soirée. Ah, donc, ça va s'ambiancer au Gotham. Bah oui, on va s'ambiancer. Ça, c'est où le Gotham pour les Parisiens ? C'est parisien, hein. Sur les quais de Bercy, voilà, Bercy, en face du Bercy. Dans le, je crois que c'est le boum boum boum. Le boum boum boum. Le boum boum. Je crois que c'est le 12e, non ? Ouais, c'est dans le 12e. En tout cas, vous avez repéré au son, vous inquiétez pas. Hein, vous écouterez le son. Et puis, profitez-en pour rejoindre cette soirée si vous êtes sur Paris, région parisienne, en écoutant Rise Supreme maintenant, histoire de bien vous ambiancer. Voilà, et pour ceux qui ne sont pas à Paris, ils pourront nous écouter là. Partout, maintenant. C'est l'heure de la fête, c'est l'heure de Rise Supreme. Vos messages aussi avec le hashtag Rise Supreme sur Skyrock. On fera un petit point d'ici une grosse demi-heure maintenant. Yes. Allez, c'est parti. DJ Case te mixe tous les sons de Rise Supreme en direct sur Skyrock. Passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream.

de tes trésors. Moi, je vaux mieux que tout ça. وهادي سيد حياتي وحبي انتي عمري وانتي حياتي تمنيت نعيش معك غير انتي عايشة عايشة اول قلب الشاق عايشة عايشة Suprême le dimanche soir avec DJ Kaze au contrôle et des petits messages parce que vous êtes nombreux à nous suivre, donc on vous dédicace le plus possible d'ailleurs. De plus en plus nombreux, ça nous fait énormément plaisir, on les voit là à travers l'écran et d'ailleurs là je vais lire, tiens, sur l'écran il y a Cheche BKH qui nous big up, Farah Jou qui fait péter les hashtags Rice Suprême, il y a Shamsou69 qui dit Kaze on veut projet Ice, bah, on va le mettre, on va le faire péter. Un extrait du projet Ice, ouais, enfin un extrait de son album. Ouais. De son album qui s'appelle Projet Ice. C'est ça, ouais, Projet Ice. MC. Un morceau ambiancé. Il y a Mode 85 aka Benjamin qui nous écoute avec ses écouteurs. Bon, c'est, bah pas c'est mal. Bien. C'est bien aussi pour faire la fête, c'est bien. Il y a Vanderbag 23 et ses bisous. Bah, je sais pas s'il est en Hollande. Vanderbag. Vanderbag. Vanderbag. Ok. Abdel Stars, l'artiste Fauzi aka Hous. Il y a Octin 64 qui nous écoute avec l'appli Skyrock. Voilà, ça fait plaisir. Germaine Neymar JR qui dit comme tous les dimanches Rail Suprême. Voilà, Germaine. Donc on a des. C'est bien qu'il y a tout le monde en fait. Il y a tout le monde. Il y a on passe de Abdel à Germaine. Voilà. On est bien quoi. Il y a de tout. Il y a Wonderbag. Il y a tout. Il y a tout le monde. Rail Suprême, c'est universel. Et il y a Issam 934 et il y en a plein. Donc fait péter les hashtags et. Et bah continuez. Le hashtag c'est Rail Suprême sur Skyrock. DJ Kaze au platine. On est reparti. Eh ouais, on y go. Nouvelle session maintenant. Dimanche soir. Minuit, une heure. C'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Ce jour d'été, quand nos regards se sont croisés, un vent d'amour m'a fait chavirer. C'est là que notre histoire est née. La la la la la la la. Allez, viens, saute à son cou. Embrasse-le beaucoup, beaucoup. Si tu lui fais des bisous, il va te donner. Je t'ai cherché, sans jamais te trouver. Ça y est, ce soir on va se marier. Oh là, je vais pas te lâcher. La la la la la la la la. Allez, viens, saute à son cou. Embrasse-le beaucoup, beaucoup. Si tu lui fais des direct sur Skyrock. Une femme imbécile, algérienne, marocaine, je veux un missile. Ou une tontilla, j'aime aussi. J'en ai marre du célibat. Donc je vais dans le sud, j'ai quitté Ripa. Et je veux une bombe, bombe, bombe, bombe, bombe. Qui danse comme une chaouïa. Et je veux une bombe, bombe, bombe, bombe, bombe. Qui danse comme une chaouïa. Elle me rend fou, elle me rend fou, la nanana. Elle me rend fou, elle me rend fou, la nanana. Elle me rend fou, elle me rend fou, la nanana. M'a guidé. L'équipe désolée, c'est devenu sans pitié. Un peu de Jack Mel pour m'exciter. Roi arrière, y'a pas de train, je frappe dans la cité. Ça va nous suivre. DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Au pire, je mets un masque sous le casque AGV. C'est tout la LON en direct à Pointa. Pour les frangins qui mettent un île en gêne. Normal pour les anciens. Pour ceux en chien qui rôdent avec le machin. Que ça parle en traite, y'a des mecs comme ça. Que des délicules, c'est le béton ça. Que ça peut se montrer, y'a des mecs comme ça. Que t'as aimé du vice, c'est le béton ça. Ça gratte toute la nuit. Mais j'ai tant de l'ennui. Ça fait des grosses peines, des vomettes à nuit. Et j'emberge, j'oublie. Sur le fait en boîte, normal. Comme vite la bolle, normal. Pas la charge, normal. J'fume ma drogue, normal. En pleine poursuite, normal. J'cherche la plaque, normal. Faire de hockey, normal. Normal, normal, normal, normal. On t'a pas dit que j'allais pas t'amuser à la traîne, je suis suiveur. Pourquoi? Magique, c'est ça, mon corps! Avec Khaled! Je suis là! Avec moi, le Belen! Oui, oui, t'es béni! On se fatigue jamais! Ça ne fait la vie, j'ai ma poivre! On est l'ambiance, y'a pas de problème! Khaled, magique, système, ça c'est le son qu'on aime! Partout, c'est la même! Pas fatigué, c'est le thème! Même pas fatigué! Ce soir, il faut danser! Jouer les belles beaux. Oh, oh, oh, oh, oh. On est

billets. Ah ah. وانت موجود ما نرضى نتكلم

Et c'est déjà la fin, Kaïs. C'est la fin. C'est la fin. Tristesse, ouais. C'est la fin, c'est la fin. Mais pour mieux revenir. Bah pour mieux revenir, oui. Dans une semaine comme chaque dimanche soir. Et ouais, moi ça fait plaisir que Fabien a un peu prolongé l'émission. Avant c'était à peine une heure, même pas 50 minutes. Maintenant on se fait plaisir, une heure et quart. Et... tout le monde est content. Fabien déborde un petit peu. C'est lui qui est chargé de gérer l'émission à Rail Suprême. C'est ça, Fabien Guizon, un beau gosse. Il aime bien déborder. Voilà, allez le rajouter. Un petit Ismé. Petit. Ouais, pour ceux et celles qui sont intéressés. Mais qui ressemble, il ressemble à un robeux. Un beau. Voilà, pour tout le monde, hein, il n'est pas difficile. Petit message, Kaïs. Non, sûr, petite ouais, soirée surtout. Ouais, ce week-end, grosse soirée. Le 25, ouais, je suis au Select, c'est à la Porte d'Orléans. Et le 26, c'est à la Locomia dans le 78, un gros club que tout le monde connaît. Donc on va faire péter ça ce week-end en région parisienne. Eh bah, très bien. Merci, Kaïs, pour cette soirée encore. Yes, merci à vous. Sur les réseaux sociaux, oui, c'est DJ Espace KAYZ sur Facebook, sur. Instagram, Twitter et Snapchat DJ Kaïs Paris. Voilà, voilà. Et rencard la semaine prochaine comme chaque dimanche, bah, pour oui, Rail Suprême. Avec de la nouveauté, on va mettre le feu comme d'hab. Nouveauté et tous vos messages balancés avec Rail Suprême, le hashtag Rail Suprême sur Skyrock. Ciao Kaïs. Merci Fred. Ciao. Ciao à vous tous. Passez une bonne nuit, une bonne reprise pour demain, ceux qui bossent. Et puis toi, tu vas faire une soirée là, hop. C'est allez, parti Kaïs. On y go maintenant là. Pour ambiancer maintenant les quais parisiens. Les quais parisiens. Les quais parisiens. Et passez une bonne soirée. Ciao, c'est reparti le son de Skyrock. Rap et R&B. Non-stop. Skyrock.